Chant numéro 18. Cet esprit bienheureux jouissait déjà seul de sa propre pensée, et moi je savourais la mienne en tempérant la mer avec le doux, quand la dame soudain qui me menait vers Dieu dit « Laisse ce souci, souviens-toi que je suis aux côtés de celui qui redresse les torts. » Lors je me retournai vers cette tendre voix qui fait tout mon confort, et je renonce à dire quel saint amour je vis se baigner dans ses yeux, tant parce que je crains de ne savoir le dire, que parce que l'esprit ne peut se retourner en lui-même aussi loin s'il n'est pas secouru. Tout ce que je pourrais répéter sur ce point, c'est qu'en la regardant je me sentais le cœur tout à fait délivré de tout autre désir. Car l'éternel bonheur, dont les rayons tombaient sur Béatrice à pic, faisait qu'en ses beaux yeux, je trouvais le bonheur de son aspect second. M'accablant de l'éclat de son brillant sourire, elle me dit ensuite « Tourne-toi et écoute. Le paradis n'est pas dans mes yeux seulement. » Et comme parmi nous, on reconnaît parfois l'amour par le regard, s'il est assez puissant pour que l'esprit entier soit par lui transporté, dans le scintillement de la sainte splendeur que je cherchais des yeux, je connus le désir qu'elle avait de finir l'entretien commencé. Puis elle dit ainsi. Dans ce cinquième seuil de l'arbre qui reçoit de haut en bas la vie, donne toujours des fruits et ne perd pas ses feuilles, on voit d'heureux esprits qui furent sur la terre avant d'aller au ciel, parmi les plus illustres et qui feraient l'orgueil de chacune des muses. Examine avec moi les bras de cette croix. Ceux que je vais nommer produiront de leur place des éclairs comme ceux qui traversent les nues. Je vis une splendeur s'allumer sur la croix, aussitôt qu'elle eut dit le nom de Josué, et le dire et le faire arrivaient à la fois. Au nom que j'entendis du fameux Maccabée, je vis qu'un autre éclat se mit à tournoyer, et la joie emportait cette étrange toupie. Ainsi pour Charlemagne et pour Roland ensuite, mon regard attentif en reconnut deux autres, comme l'œil du chasseur suit le vol du faucon. Et sur la même croix, Guillaume et Renoir s'offrirent au regard, l'un à côté de l'autre, et le duc Godefroy, près de Robert Guiscard. Puis, allant se mêler à toutes ces lumières, l'âme qui jusqu'alors m'avait parlé montra quelle place elle avait dans le céleste cœur. Alors je me tournai du côté de ma droite pour lire mon devoir dicté par Béatrice, dans un mot qu'elle eût dit ou dans un mouvement, et je vis dans ses yeux une telle liesse, une telle clarté, que sa beauté semblait plus grande que jamais et que son air dernier. Et comme en ressentant parmi les bonnes œuvres que le plaisir s'augmente, un homme réalise que sa vertu progresse et gagne tous les jours, je me suis aperçu que ma rotation suivait un plus grand arc, avec le ciel ensemble, rien qu'à voir ce miracle encore plus éclatant. Comme en un instant le teint blanc d'une femme peut changer de couleur, sitôt que de la honte l'accablante couleur s'efface de ses joues, de même dans mes yeux, quand je me retournais, je reçus la candeur de l'astre tempéré, sixième à m'accueillir dans son intérieur. Dans l'astre jovial, j'ai contemplé comment tout le sentiment de l'amour y régnant formait sous mes regards certaines de nos lettres. comme un envol d'oiseau qui tend les bords d'un fleuve, s'en va joyeusement chercher sa nourriture, en dessinant un cercle ou quelque autre figure, telles, dans leur splendeur, les saintes créatures chantaient en voltant, et formaient d'elles-mêmes la figure d'un T, puis d'un I, puis d'un L. Elles partaient d'abord sur le rythme du chant, et quand un caractère avait été tracé, s'arrêtaient un instant et gardaient le silence. Divine Pégasée, où le poète trouve la gloire qui le fait vivre éternellement, et fait vivre pour toi, royaume et cité, verse-moi ton savoir, pour que je puisse peindre les dessins qu'on y fait tels que je les ai vus, et que tout ton pouvoir se montre dans mes vers. Ainsi donc, cinq fois sept voyelles et consonnes s'esquissaient sous mes yeux, et je les observais au fur et à mesure en les voyant paraître. D'abord, diligite justitiam était le premier verbe et nom de toute leur peinture. Qui judicatis terram furent les dernières. Puis toutes ces clartés se rangèrent sur l'aime du dernier de ces mots. Tant que de Jupiter, l'argent me paraissait constellé de points d'or. Et je vis arriver d'autres clartés encore, à l'endroit du sommet de l'aime, et s'y poser, tout en chantant, je crois, le bien qui les appelle. Et puis, comme du choc des tisons embrasés, jaillit un jet brillant d'étincelles sans nombre, d'où le niais prétend tirer des pronostics. Plus de 1000 splendeurs parurent en sortir et remonter, qui plus qui moins, selon le sort que leur a réservé le soleil qui les brûle. Lorsque chacune, enfin, eut occupé sa place, je vis représenter sur le fond de ces flammes la tête d'un grand aigle à partir de son cou. Celui qui peint là-haut n'a jamais eu de maître. C'est lui son propre maître, et c'est en lui qu'il trouve la force où tous les corps ont découvert leur forme. Les autres bienheureux, qui paraissaient d'abord vouloir faire de l'aime une sorte de lys, presque sans se mouvoir, complétaient cette image. Astre béni, combien et quelle pierrerie m'ont alors démontré que l'humaine justice est un effet du ciel où tu resplendissais. À cette intelligence où prennent leurs principes ta vie et ta vertu, je demande d'où vient, pour souiller ton éclat, cette épaisse fumée, afin qu'une autre fois elle s'irrite enfin de ce que l'on achète et l'on vend dans ce temple, combattit le miracle et le sang des martyrs. Vous, soldats glorieux du ciel que je contemple, priez toujours pour ceux qui restent sur la terre, tout à fait égarés par l'exemple mauvais. L'on faisait autrefois la guerre avec l'épée. On la fait maintenant en privant son prochain du pain que notre père a prévu pour chacun. Mais toi, qui n'as jamais écrit que pour biffer, pense que Pierre et Paul, qui sont morts pour la vigne détruite par tes soins, sont encore vivants. Sans doute, te dis-tu, j'aime dans tel amour, celui qui voulut vivre autrefois au désert, et qui dans une danse a trouvé le martyre, que je n'ai nul souci du pêcheur ni de Paul.